n'en fais donc pas. Maman, je suis encore ton petit gars. Il y a des moments où je me demande comment. Maman, souvenir bien longtemps. J'ai toujours fait attention, jouer avec ma vie à l'occasion. Pris l'auto légèrement en boisson, pour tout ça je dois demander pardon. Maman, papa, j'apprends pas ma leçon. Papa, est-ce que je suis un mauvais garçon? Oh non, mais je suis dans le trou plus souvent qu'autrement. Réjouis-toi, j'ai pas fini en dedans. T'as quand même donné ton 100%. Je suis content que tu sois resté avec maman. C'est fou dans vos oreilles. 89.1. Brûle-moi, carbonise-moi. Une petite dose à la fois. J'en profite pour faire des provisions. Mon mousqueteur dans le ventre. Sentir ton cœur en fusion. Si je te dis que j'aime ça quand ça rentre. M'évaporer justement. C'est l'heure où tu te fais justice. On m'a dit d'être méfiant. Tu sois ou bien que tu t'éclipses. C'est pas pour longtemps. Tant que tu tiens là et puis que tu m'aveugles. M'en rester drette, j'en prendrai plein la gueule. M'en pisser face au vent. Le faire malgré la tempête. Moi de sourire à belles dents. Courir comme une poule peut-être. Tu crois que tu m'assassines lorsque j'avale ta pilule. J'ai déjà goûté à ta médecine. On trouvera un antidote. La réputation est si

89.1, la radio autrement. Across the bay, black were the rifles, black were the ropes.

even half as well as you could.